Deux hommes donnent leur âme pour que vous conserviez la vôtre et se plongent dans la lecture souvent douloureuse de manuscrits artisanaux à tendance parfois érotique. Sauront-ils retranscrire dignement leurs tristes aventures ou se perdront-ils dans la fanfiction? Ce podcast est déconseillé aux mineurs. Bonsoir à tous, je m'appelle Raphaël. Bonsoir à tous, c'est Martin. Et c'est Halloween. J'espère qu'on a une histoire qui va rendre hommage à cette fête qu'on ne suit pas du tout, mais qui nous promet des frissons. Eh bien, pas du tout. Voilà. 0%, désolé. Donc, pas de spooky skeleton for me. Pas de frissons de peur, mais peut-être des frissons d'une autre nature. Ça, c'est sûr. En tout cas, bienvenue dans le deuxième épisode de Fan Friction. Bienvenue. Il faut savoir que cette fois-ci, on est rentré dans un contexte un peu plus travaillé où, normalement, je me suis pas fait spoiler, je sais absolument pas à 0% à quoi m'attendre. Je vais donc découvrir avec vous ce que Martin nous a concocté. Je sais pas ce qu'il a lu, je sais pas ce qu'il en a pensé, je sais absolument rien. Est-ce que... Cette intro est trop longue. Oui, oui, oui. C'est oui. Bon. Donc c'est oui, et comme vous l'auriez compris, c'est moi qui ai les manettes aujourd'hui. Est-ce que tu veux commencer par genre me donner le titre? Oui, je vais commencer par le titre, même s'il spoil un petit peu, mais je suis pas sûr que t'aies la ref. Donc, bienvenue dans ce deuxième épisode de Fanfiction. La fanfiction d'aujourd'hui s'appelle « Une princesse au Tarteret ». Ok. Est-ce que c'est une histoire de meuf qui se fait tourner dans les caves? Non, j'ai voulu rester soft. Ouh. C'est une princesse, donc elle a bien sûr un comportement de princesse. Donc je vais te présenter la princesse. Est-ce que déjà tout le monde sait ce qu'est les Tarterets? Non, donc je réponds à ce qu'est la Tarteret. C'est une cité à Corbeil-Essonne, je crois, mais qui est réputée comme être une cité archi-thug, etc. Pas Tartelette, hein? Non, c'est pas Tartelette. Et bref, et en tout cas, l'histoire va se passer là. Donc je vous présente l'héroïne qui s'appelle... Alors je vais avoir beaucoup de mal et du coup, au fur et à mesure, je vais l'appeler juste la princesse parce que c'est un enfer, son blaze. Elle s'appelle Nefertari, pharaon d'Égypte. Voilà, donc ça c'est son Nefertari. Nom. Nefertari. Je crois que c'est le nom d'une véritable... Non, c'est Nefertiti. Et je crois qu'il y a eu aussi une Nefertari. À googler. À googler, à la maison, petit jeu à faire à côté. J'ai raison. Toujours est-il qu'elle se décrit elle-même d'une fille posée et réfléchie, avec un fort caractère, mais qui a toujours ce petit côté fofolle. Donc faut savoir que le premier épisode, ça a été écrit par, je pense, un homme adulte. Là, je pense qu'on est plus dans une meuf qui habite à Alençon et qui a 14 ans. Donc va y avoir beaucoup de... Tu parles de l'auteur. Là, de l'auteur. L'auteur de cette fanfiction. Et je pense... comme ça, et si tu m'écoutes, c'est pas grave, on est tous passés par là. Bref, donc... je suis pas sûr encore. Donc la princesse, je vais l'appeler que comme ça parce que c'est beaucoup plus simple pour moi, elle est l'héritière du trône d'Égypte et est la fille donc du roi et de la reine d'Égypte. Je sais même pas s'il y a... Attends, j'ai une question. Donc, ouais. La fanfiction, elle se passe en Égypte? Écoute... Okay. Le titre, c'est Une princesse au Tarteret, donc il va y avoir un twist. T'en fais pas, il J'espère arrive. Que c'est un truc genre temporel, il y a des histoires de voyage dans le temps, mais bon. Non, je suis désolé. Quel dommage. Toujours est-il qu'il n'y a même pas de super pouvoir, rien, c'est ras les pâquerettes. Toujours est-il que donc notre héroïne, la princesse, fille du roi et de la reine d'Égypte, qui sont précisés dans la fanfic comme étant The Rock, son père c'est The Rock. Il s'appelle aussi Dwayne Pharaoh. Dwayne The Rock Johnson. Donc son daron est The Rock et sa mère, on n'en parle pas parce que c'est que la reine, donc on s'en fout. Ah bah voilà, c'est les figures féminines, voilà. Voilà. Aussi dans l'introduction, parce qu'on n'est que dans l'introduction, il y a 30 chapitres, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Ok. On nous parle de deux personnages qui sont Mélissa, sa meilleure amie, qui est angolaise-libanaise, parce que tous les personnages dans cette fanfiction... Alors, si elle a une nationalité, est-ce qu'on a des indices sur la nationalité du personnage principal? Elle est donc princesse d'Égypte, donc égyptienne, mais de mère un autre pays, pays d'Afrique noire que j'ai oublié parce que c'est précisé qu'une fois et que je l'ai pas noté. Mais au Tartaret. On y arrive, okay, les Tartaret, okay, on y arrive. Et du coup, tu vois, en plus, c'est bien amené. Et faut savoir aussi que tous les personnages dans cette fanfic ont tous deux origines, je sais pas pourquoi, et c'est toujours deux pays d'Afrique pris complètement au hasard. Donc, va y avoir des Tunisiens congolais, des Africains du Sud maliens, et voilà, tous les personnages sont précisés à chaque fois. Il dit, et elle rencontra machin qui est sénégalais égyptien. C'est toujours comme ça. Donc, bref. Tellement de questions. Ouais, je sais. Et donc, sa meilleure amie, qui est angolaise-libanaise, mais ça, on s'en fout, a été sa meilleure amie d'enfance jusqu'à 16 ans, où elle a déménagé à Paris. Donc là, on commence à avoir un indice vers les Tartaret. Mmh. Et un autre personnage qui est précisé dans l'introduction, qui est Amir, qui est 22 ans, qui est égyptiano-qatari. Égyptiano-qatari, ok. Donc c'est pas que l'Afrique, c'est aussi le Golfe. Et bref, lui, on n'en entend pas du tout parler. Dans les 30 chapitres, il n'y a jamais son nom qui est mentionné une seule fois, mais dans l'introduction, il est dit que c'est son confident depuis le jardin d'enfance. Toujours à dire depuis le jardin d'enfance. De jardin d'enfant. Et bref, elle lui parle pas dans toute la fic. Bref, j'avance. J'ai peur de la vitesse à laquelle tu t'exprimes. Je suis sûr que il y a tellement de choses à explorer là. Je vais essayer de suivre. Hein. Ça va être compliqué. La fic commence à son 21e anniversaire où elle est invitée par son père à la rejoindre dans son bureau au papa. Donc The Rock. Donc The Rock est derrière son. Est-ce qu'on est censé savoir où on est géographiquement et temporellement ? Géographiquement, on est au palais de. J'ai oublié le nom du palais en Égypte. Mais à c'est Gizeh, genre. Ou un truc comme non, ça. Non, non, non, c'est genre un palais. À l'ancienne pharaon, tu sais. Mmh. Genre pyramide de Khéops, mais un autre truc. Okay. Et bref, il est derrière, il est dans son appartement. Et on est office. En quelle année juste, genre, quel... Ah, on est en 2015. À l'ancienne. Non, non, en 2015, ouais. C'est précisé. Il y a encore perdu, des palais là-bas en 2015. Je sais pas, mec, c'est, okay. C'est le monde dans merveilleux univers, des gens. Y en a. Okay, okay, okay. Toujours est-il que. donc, elle est reçue par son père au palais. Où son père lui dit, voilà, j'ai un petit fichier Excel avec 50 prétendants pour se marier avec toi. Faut que tu choisisses, ma petite, t'as 21 ans, vu que je le rappelle, c'est son anniversaire. Choisis-toi ton mari, parce qu'en gros, t'as du sang royal, du coup, il te faut du sang royal. Donc, il y a du prince qatari, du prince anglais, il y a un peu de tout et que des princes, en fait. Ou des très riches notables d'au travers du monde. Et bref, et la fille est complètement prise au dépourvu parce que elle a ce petit côté fofolle, elle veut explorer le monde et c'est trop tard et du coup elle lui dit un peu. Quel âge elle a ? 21 ans. Mais son elle s'attendait à quoi ? De quoi ? Tu grandis dans une famille pareille, tu t'attends à quoi ? Et ils sont très permissifs, tu verras. Et bref, oh, et du coup elle. Oh, elle baragouine quelque chose en disant genre « Oui, mais je voudrais parcourir le monde, je sais pas, j'aimerais aller... » Et là, son père lui dit « Mais tu voudrais aller où ? Je suis The Rock ! Yeah !» Et elle lui dit genre « Je voudrais aller à Paris. » Parce qu'elle se souvient que sa meilleure amie d'enfance habite là-bas maintenant. Oh, non, les tartes. Et du coup, son daron, il lui dit genre ok, d'accord, genre il était hyper strict et sévère et il était en mode genre tu choisis quel prince tu maries aujourd'hui mais voilà, tu peux choisir, tu peux y aller maintenant, y a pas problème, tu vois. Et du coup, il lui dit bon bah par contre, on fait ça en haute sécurité, tu pars dans mon jet privé, tu es au George V en suite impériale. Et t'as un Hummer perso qui t'attend garé devant le George V. À ce combien ? Hein ? Ok. C'était une blague kebab. Donc Mais aussi Hummer, c'est. Toujours est-il que elle s'envole donc vers Paris dans son jet privé. Elle arrive au George V où dans la chambre adjacente à la sienne sont entreposés, je sais pas ce qu'on veut dire, 5 gardes du corps et une concierge qui s'appelle Janine et qu'on découvrira plus tard comme être le sosie de Jennifer Aniston. C'est un détail, mais voilà. La à quelle époque ? Époque contemporaine. Parce que un peu vieillie, etc. Tu vois, c'est une gouvernante. Elle a plus grand chose dans le gilet, Jennifer Aniston, en 2017. Enfin, même en 2015. Voilà, 2015. Pareil. Et bref, et du coup, elle est dans son George V, et elle appelle son amie Mélissa, sa meilleure pote qui est censée être à Paris, et elle lui dit « Je suis à Paris, trop hâte de te voir et tout, où t'es ?» Et la meuf, elle lui dit « Bah, j'habite un peu plus loin de Paris, dans une ville en banlieue, etc. Est-ce que tu veux quand même venir et tout ?» Elle dit « Mais ouais, chambé, je vais voir un peu de paysage et tout. » Et du coup, elle lui dit « Ouais, j'habite à Corbeil, au Tarteret. » Du coup, elle dit « Bah, vas-y, je sais pas ce que c'est, envoie-moi le GPS et j'arrive. » Et du coup, elle va voir ses gardes de corps en disant genre « Ouais, je voudrais aller au Tarteret, y a moyen que j'y aille tout seul, je sais que mon daron, il vous a dit que vous devez pas me lâcher d'une seule semelle, mais faut me laisser tranquille, parce que vraiment, j'ai envie d'aller voir ma copine et tout. » Du coup, les gardes de corps, qu'est-ce qu'ils disent ? Oui ? Ils disent « Oui, d'accord, princesse, ouais, vous pouvez aller au Tarteret tout seul. » Pause. Ouais. Les gardes du corps, ils ont pas Google. Je sais pas, gros. Moi, je suis garde du corps, tu m'as payé une fortune pour garder ta fille, genre, safe. Ta fille, elle me dit « Emmène-moi au Tarteret », je Google l'endroit. Et là, je me rends compte que c'est une terrible erreur. Non, mais d'autant qu'en plus, le père est décrit comme un mec un peu sanguinaire, etc. Exactement. Et que du coup, genre, il est pas à un crime près pour protéger sa fille, etc. Et du coup, les cartes du corps genre, disent quand même, genre, vas-y, chill, prends ton Uber, merde. Hummer, donc, et va au Tarteret, fais-toi kiffer, envoie-nous un texto quand tu rentres, quoi. Attends, quoi ? Les gardes du corps, ils y vont même pas ? Non, ils y vont pas ! Ils y vont pas. Genre, ils disent, ok, vas-y, t'as envie, c'est toi la princesse, tu fais ce que tu veux, tu sais. Ils sont payés en quoi, eux ? Je sais pas, mais en tout cas, ils sont dans une suite impériale. J'espère qu'ils ont pas les tickets resto à 9 euros, parce qu'ils les méritent pas, les mecs. Enfin, bref. On avance, et... Parce qu'il y a énormément d'ellipses, c'est très mal écrit, et du coup, il y a des ellipses toutes les 3 secondes, et c'est littéralement marqué « ellipse ». Et hop, on est genre 3 jours plus tard. Et bref, donc une ellipse, et on se retrouve au Tarteret, et la princesse se gare et tout, et elle est en mode genre, vas-y, c'est un peu... Celle qui conduit. Ouais, celle qui conduit. Elle conduit un Hummer, toute seule au Tarteret. Toute seule au Tarteret, du coup, il y a les mecs des Tarterets qui disent genre, wow, la belle bagnole et tout, mais genre, c'est tout, quoi. Ouais. Et du coup, elle monte, genre, bâtiment 5 des Tarterets pour voir sa pote. Et genre, elle dit même pas genre... Bâtiment 5 des Tarteret représente. RPZ. Et bref, sa pote, elle lui ouvre, et genre, là, elle découvre, je vais vite, mais en gros, elle découvre que sa pote, c'est un peu une chouin, que genre, elle a deux gamins de deux mecs différents qui l'ont abandonné, genre, la vie de ghetto, fantasmée des provinciales, un petit peu, pas fantasmée dans le sens où elles ont envie de les avoir, mais dans le sens où c'est ça qu'elle projette, etc. Et bref, et du coup, elles parlent, elles font des petits bis, ça échange 2-3 snaps, et le gamin, et un des gamins de sa pote Mélissa lui dit genre « Maman, j'ai faim !» et tout. Et la mère, elle lui dit genre « Ouais, mais tu sais bien qu'on n'a pas d'argent et tout, il nous reste que des biscottes jusqu'à demain, mange une biscotte, ferme ta gueule, tu vois. » Et du coup, ouais, c'est comme ça. Et le plus bon, c'est que tu sais même pas encore de quoi il s'agit comme fanfiction. Parce que si t'as un peu de culture street, tu sais qui habite au Tarteret. Même j'ai pas de culture street. Mais... Bah voilà, donc on va y arriver. Et du coup, la princesse, elle dit « Ouais, mais attends, il a faim ton gamin. » Marseille ? Est-ce que ça va être Marseille ? Hein ? Est-ce que... Non, c'est pas Marseille. J'ai peur. Oh putain, génial, je le mets dans ma checklist. Et bref, et du coup, elle dit... Ouais, bah vas-y, je vais emmener ton fils bouffer un truc parce qu'il a trop la dalle et Zarma tes biscottes, tu vois. Et du coup, elle dit... elle descend avec le gamin il est refait en mode genre, vas-y, je vais bouffer un kebab, quoi. Du coup, ils montent dans le Hummer, et ils vont direction le kebab du coin. Et elle sort du Hummer. Ça commence à devenir un peu raciste ton histoire. Ah non, mais de toute façon, comme je te dis, je pense que ça a été écrit par une blanche. Tout est genre hyper fantasmé dans le sens. Il y a ce point de vue extérieur. Ouais. Okay. Genre dans le sens où dès qu'il y a des interactions de mecs de cité et va y en avoir shit tonne, et bah c'est en mode genre wesh demoiselle machin, un mot en arabe qu'elle sait même pas ce que ça veut dire, etc. Blablabla. Et bref, on y est là. Elle sort du Hummer devant le kebab. Et là, il y a genre un crew de mecs qui leur dit genre eh, « Vas-y, mademoiselle, la gazelle, la gazelle !» et tout, ils arrêtent pas de l'enchaîner comme ça et tout, et la meuf elle est en mode genre « Ah, dis donc, qui sont ces rustres ?» tout ça, tout ça, elle emmène le gamin bouffer un kebab, ils ressortent, les mecs ils sont en mode genre « Vas-y, petit !» parce qu'ils connaissent le petit vu que sa mère elle vient de la Thèse, et ils checkent tout le monde et tout, et là... Elle finit par checker tout le monde donne ses blases, il y en a 100 000, ils sont pas intéressants, ils ont tous des origines binationales mais, africaines. Mais dans le livre, il y a un petit aparté pour chacun de ces individus. Ah ouais, ouais, ouais, et puis il y en a incroyable. Genre 70 en tout, oh, et putain, alors, ils ont tous des noms okay. qui commencent par A, donc c'est impossible. Des Amir, Amine, Ashley, machin, il y en a 500. Et bref, et du coup, elle check tout le monde. Et là, tu vas avoir le reveal de qui il s'agit de cette fanfic. Et là, elle finit par checker Ademo de PNL. Bref, elle check Ademo et donc. Ouais, dans cet univers-là. Ouais. Est-ce que Ademo de PNL est Ademo de PNL ou est-ce Ademo que de PNL est Ademo de PNL. Donc c'est un mec qui traîne devant les queugrés. Et qui vient casser les couilles des meufs qui viennent acheter un grec à un gosse, quand même. Ouais, sachant qu'il est précisé que... La fame l'a pas fait changer, hein. Le mec est resté vrai, quoi. Il est précisé au tout début que c'est au moment où ils viennent de sortir Le Monde Chico, qui est le premier album, ils sont en train de préparer... Leur meilleur, selon moi. Non, ils ont sorti QLF, pardon, le premier album, et ils sont en train de préparer les clips du Monde Chico. Voilà, donc le deuxième est le meilleur, selon moi, également. Toujours est-il que, genre, après, il se passe plein de trucs chiants parce que, genre, c'est une princesse, du coup, elle a des meetings, genre, au Louvre, où elle fait des, genre, visites guidées racistes du musée du Louvre, section égyptienne. C'est hyper chelou. Et bref, et au bout d'un moment, sa pote, Mélissa, l'appelle en lui disant, genre, « Ouais, vas-y, mon mec, il m'a quitté, etc. » Mélissa, c'est la mère du petit. C'est la mère du petit, ouais. Et son mec, je tiens à le préciser parce que ça m'a fait éclater de rire, il s'appelle Urgence. Et au moment du reveal de son blaze, c'est marqué entre parenthèses, et je cite, « Parce qu'il est Congo, virgule, TMTC, virgule, Sissi, Team Congo, cœur. » Cœur, genre signe supérieur plus le 3. Ouais, ouais. Ok. Bref, j'avance. Et elle, Mélissa lui dit « Ouais, je suis super déprimax et tout, blablabla, il me donne plus de nouvelles, j'ai les gamins, il n'y a que des biscottes à damer et tout, c'est la hesse. » Et du coup, la princesse, elle dit genre, ni une ni deux, genre « Vas-y, c'est pas grave, je vais habiter au Tartaret et je vais s'occuper de toi, tu vois. » Et du coup, genre, elle dit « Ouais, une petite réaction peut-être ?» Non, voilà. J'essaye de construire une image de tout ça dans ma tête. Elle appelle ses darons en disant « Ouais, faut que vous me trouviez un appart au Tartaret, parce que ma pote, elle est en galère et tout. » Et donc là, The Rock, il dit genre « Allez, dis donc, je vais checker l'immobilier, mais ça m'a l'air pas un très bon investissement, tout ça, tout ça. » Putain, personne n'a Google dans ton histoire. Non, personne n'a Google. Mais ils lui ont quand même trouvé une maison, une villa luxueuse, parce qu'en fait, c'est sur un site de fanfiction où ils mettent des... Pendant tout ce temps-là, les gardes du corps, ils sont en train de se mettre yumb à Georges V. Ah, de ouf, hein, ils se mettent... Genre, il y a un moment où, genre, justement, elle fait péter la liste du minibar et tout, genre, que ça se met du caviar et du lit d'agneau et des trucs comme ça, quoi. Ok. Bref, tout ça se passe. Et du coup, elle finit par déménager dans une villa de ouf au Tartaret. Donc, ne cherchez pas l'embrouille. Il y a une villa de ouf au Tartaret. Mettez-moi un pin Google Maps que je vois ça, parce que franchement, ça me tue que ça existe, tu vois. Et elle finit par habiter là-bas. Un jour, elle va faire ses courses, poser. Et genre, elle crève en bagnole. Et note bien ça, parce qu'il y aura une citation en fin d'épisode qui va, j'espère, te plaire à ce sujet. Et genre là, il y a... Nos et Casper, donc Nos c'est l'autre membre de PNL. Je vois pas qui est Casper, par contre. Casper c'est leur cousin qui est toujours en chemise Burberry dans tous les clics là. Ah oui, oui, ok. Donc c'est leur cousin qui soutiennent, etc. Et que genre c'est un peu leur bien sûr, tu leur vois. Boulet quoi. C'est un peu leur mais boulet. Il l'aime bien. Okay. Et puis il est tigeant, tu vois, il a un grand cœur. Ouais. Et bref, et du coup, genre il passe par là. en mode genre, tiens, dis donc, on marche vers la thèse et tout. Et là, elle a crevé avec son humeur. Et humeur, pardon, putain. Et bref, et du coup, genre, elle est en mode genre, ah, vous pouvez m'aider à rentrer mes sacs de provisions parce que j'ai crevé en voiture. Alors qu'elle est garée devant chez elle, je ne comprends archi pas quel est le dièse, tu vois. Ils auraient pu dire genre, souhaitez-vous que je vous porte assistance pour réparer votre automobile, tout ça. Mais non, juste ils rentrent les sacs dans la bagnole, dans la maison, et après genre ils jouent à FIFA chez elle et ils traînent chez elle parce qu'elle vit dans une villa au Tarteret. Voilà, tout ça se passe. Okay. J'espère qu'il y a du cul dans ton histoire. Il y en a en plus. Ah, ok, ça vaut le coup. Continue. Du coup là elle est au Tarteret. Du coup on nous introduit genre encore 113 personnages relous et pas intéressants. 113, un chiffre que tu as choisi au hasard. Je crois, j'espère. Mokobe si tu nous écoutes. Et bref, elle retourne voir sa pote Mélissa parce qu'elle est en galère de denier et tout. Et dans l'escalier elle croise Ademo pour la deuxième fois, qu'elle a juste check à un moment. Et genre attends, ouais, qui est en galère de denier? La mère Mélissa, Mélissa, ouais. Mais elle vit dans la villa avec l'autre. Non, elle vit au Tarteret, donc, au attends, bâtiment 5. Donc sa pote, dit... là, elle s'est installée, la princesse. Elle ouais. s'installe au Tarteret dans une villa. Ouais. Et sa pote qui a un gosse et qui est mère célibataire deux en gosses. Galère. Ouais. Deux gosses. Ok, ouais. Je savais pas, je peux écouter. J'ai rien écouté. Elle la laisse crever dans son vieil appart flingué avec ses deux gosses pendant que l'autre, elle est dans une villa. Parce que moi, ma compréhension de cette histoire, c'était qu'ils s'installaient tous ensemble et qu'il y avait... Non, non, juste, elle se rapproche pour pouvoir lui apporter soutien moral. Ah, pas ouais, financier, oh, tu vois, c'est juste c'est moral. Okay. Et sachant qu'à côté de sa villa, la meuf, il y a une autre villa pour héberger ses gardes du corps et Jennifer Liston. Il n'y a plus personne à George V ou il y a encore du monde? Non, George V est vidé de ses habitants. Ok. Mais les autres sont quand même dans une villa au Tarteret et on n'en parle plus jamais. Donc, genre, les gardes du corps sont juste là, chill. Bref, elle va voir sa pote, elle redescend dans les escaliers parce qu'il est précisé qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas prendre l'ascenseur car tout le monde confond ascenseur et toilette et que les gens ici ne boivent pas d'eau, donc c'est très acide. Voilà, c'est précisé. Donc, la petit pisse, conseil de l'auteur. L'urine est acide ? Oui, il paraît. Petit conseil de l'auteur, ne prenez pas l'ascenseur au Tarteret. Elle finit par croiser Ademo dans les escaliers. Elle le voit. Lui aussi, qu'il ne doit pas prendre l'ascenseur. Bah voilà, il connaît les bails. Hein. Et il la croise dans l'escalier, calmement. Ça se parle un peu et tout. Et elle le vouvoie parce que genre c'est une princesse. Et Ademo, il kiffe trop pas qu'il la vouvoie. Du coup, il lui met une balayette. Et genre, dans toute la fanfic... Pardon. Une fois sur deux que tu vas m'entendre dire le mot Ademo, la phrase d'après, ça va être « il lui met une balayette ». Oh, mon Dieu. À chaque fois, c'est comme ça. Du coup, elle se prend une balayette, et après, elle se relève, et après, il se regarde dans les yeux pendant 10 minutes sans rien dire, et genre très intense, genre en mode « je lis dans ton âme » et tout, blablabla. Pardon, je te mets une balayette et je lis dans ton âme? Ouais. Ça, c'est des lyrics de chansons, ça, c'est pas la vraie vie. On va y venir parce qu'à des moments, elle écrit des fausses chansons de PNL, c'est le pire truc. J'ai pas de citation parce que ça m'a mis trop mal à l'aise. Pardon ? Pardon ! Je pourrais faire ça en post-prod, mais c'est horrible. Oh non ! Ok. Bref, je avance un peu parce que c'est trop dense, il y a trop de trucs. Elle se fait aglar par Ademo, donc, et elle continue sa journée, etc. Elle va faire des trucs chiants avec sa pote chiante, encore. Genre, elles vont aller... Donc, elle achète pas de la bouffe. Parle bien de la pote, quand même. Mère célibataire, deux enfants, respect. Ouais, mais donc, elle, plutôt que d'aller lui acheter de la bouffe ou de l'héberger dans son appart, elles vont faire une razzia chez Chanel. Ok, donc elle la met pas bien dans sa villa, elle la laisse dans son appart de merde, mais elle va quand même l'emmener chez Chanel pour la mettre bien. Voilà, petit sac, petit perfecto. J'arrive pas à savoir si ça, c'est la logique d'une auteure de 14 ans de Tess ou d'une auteure de 14 ans de très loin de la Tess. Je sais pas, c'est très bien documenté sur la Tess, mais en même temps, ça sonne très faux. Mmh. Donc, je sais pas du tout. Mmh. Toujours est-il que, genre... Elle revient de chez Chanel et tout, et elle recroise Ademo, qui ce coup-ci lui met pas une balayette, mais l'étrangle. Voilà. Ellipse. Est-ce qu'il y a une raison ou juste il l'étrangle? Je sais pas, non, juste c'est genre leur jeu de séduction à eux, ou genre elle est en mode genre, Vous ne sauriez point me faire du mal tout de même, tu vois. Et genre, lui, il est en mode. Il a un petit accent marseillais comme ça, parce que. Hey, quand on va Paris, on t'en coule. Il dit des trucs comme ça. Du coup, il est en mode genre, vas-y, je vais te mettre une balayette et tout. Tu vois, maintenant, mais elle fait la princesse. Et lui, il fait le mode. Je vais dire un truc homophobe, mais s'il y a trop de mille fois ce truc homophobe dedans, où elle dit. Où Ademo dit, moi, je suis pas un PD. Pas de sentiments que des centilitres et tout, genre t'es ma pute et tout, genre il est trop vénère de ouf tout le temps quoi. Et okay. Bref, du coup il la strangule gratos quoi. Après il y a une ellipse, je sais pas ce qui se passe, combien de temps, mais toujours est-il qu'elle se retrouve dans un date dîner d'affaires organisé par The Rock, donc son père, avec un faux Nasser El Khelaifi, le dirigeant du PSG là. Mmh. Donc non, en fait c'est la prince. Elle a un date avec la prince, référence au guignol, donc l'émir du Qatar. Et l'émir du Qatar, elle lui dit genre, je vais te couvrir d'or, tu vas être ma chérie et tout. Et genre, elle est en mode genre, ah, je sais pas si je veux me marier avec toi et tout. Franchement, il y a des mots qui me strangulent, je kiffe bien et tout. C'est hyper chelou. Et enfin bref, elle lui dit genre, je veux continuer à vivre au Tartaret, casse pas les couilles, tu vois. Fou. Après. À Ellipse, pendant un moment, il y a sa... elle était chez sa pote, et sa pote, elle s'est fait ken par un mec dans sa cuisine, un date Tinder, pendant que elle était chez elle, en mode, oui, attends, je t'attends dans le salon, et tout, et bref. Et du coup, sa pote, elle lui dit, attends, genre... Attends, j'essaie de situer juste un truc. Ouais. Le fameux date Tinder dans la cuisine. Est-ce que cette scène de cul, elle est genre un peu détaillée dans le livre? Non, alors ce qui se passe, si tu veux plus, parce que je te sens dans le besoin de cul, un peu. C'est pas ça. Je veux juste savoir... Ouais. Que... Vers quelle partie de l'histoire exactement l'intention sexuelle elle est dirigée? Est-ce que l'auteur veut se concentrer sur... Non, c'est d'abord une histoire d'amour. Okay. Et de balayette, mais d'abord d'amour. Ok, donc on est vraiment... Genre, l'émoi sexuel qui est censé s'éveiller chez le lecteur, il est censé être exclusivement... il est censé exclusivement... découler de cette histoire de balayette et d'étranglement entre Ademo et personnage. Non, parce qu'il y a des sentiments, tu vas voir, tranquille. Mais pas la charrue avant les bœufs. Toujours est-il, là je vais accélérer un peu parce qu'il y a plein de parties trop nulles qui servent à rien, mais toujours est-il que... Il y en a eu déjà. Ouais, il y en a eu grave. Mais faut poser un peu le contexte, ouais. D'abord, tu vois. Toujours est-il que elle va... elle retourne voir sa pote Mélissa, là, la daronne, et elle lui dit, désolé, quand j'étais avec le mec sur Tinder, on s'est pas protégé et tout, faut que j'aille faire un test de grossesse, blablabla. Et elle lui dit, genre, je peux pas y aller, ça me fait trop peur et tout, machin. Et du coup, elle dit, ok, soit, je vais y aller pour toi et tout, mais elle lui demande la thune des tests de grossesse. Genre, what the fuck. Mais enfin, bref. Du coup, la princesse, elle lui dit, hey, fous 15 balles, genre, fous 16,80€, parce que ça coûte 16,80€, genre, je me suis déjà fait baiser, hein. Et bref, elle va à la pharmacie get le test de grossesse. Et en sortant de la pharmacie, là, il y a Ademo qui déboule en bagnole, genre à 36 000 km/h. Laisse-moi deviner, balayette. Non, mieux. Et tu vas voir, mieux. Et il se gare devant en mode genre dérapage. Et il ouvre la fenêtre et il la chope façon Rémi Gaillard McDo drive-in, là, tu vois. Tout ça. What? Okay. Tu sais, les vidéos où il chope des trucs au drive-in en courant, ouais, bah, okay. Il la chope un peu comme okay. Par la fenêtre. Et là, genre, il s'embrouille un peu, que ça se strangule un peu, ça se fait un peu des bisous, mais pas vraiment, et ça se touche la cuisse, tu vois. Et c'est après, il lui met une grosse baffe, je sais pas pourquoi. Oh mon dieu, mais c'est. Ok. Ouais. Après, elle rentre chez elle. Chez sa pote, chez Mélissa, pardon. Mmh. Elle pisse sur son petit truc clear blue, elle est pas enceinte, du coup, la princesse, elle rentre chez elle. Brrr. Ellipse. Il est 3h du matin, ça sonne à la porte, c'est à la porte. C'est Ademo, qui est torse nu, couvert de sang, et genre, elle est un peu genre, oh mon dieu, que s'est-il passé? Et à la fois, genre, ouh, les biscottos. Et genre, le mec est vraiment balèze. Il est balèze comment? Genre, il a mangé un bon petit déjeuner. Super balèze. Ah, il est super balèze. Enfin, bref. Du coup, elle va genre lui nettoyer le torse, etc. Et lui mettre du mercurochrome sur les plaies, en gros. Et après, genre, ils se chamaillent un peu. Ils tombent l'un sur l'autre dans les escaliers. Et Est-ce qu'il l'a poussé dans les escaliers ? Non, c'est juste genre ça chamaille, ça glisse sur un bout de sopalin et ça tombe sans se faire mal, tu vois ce que je veux dire ? Et du coup là ils se font un petit bisou et ça rentre dans le love, tu vois. Et après genre ils commandent des Domino's Pizza et l'auteur a pris beaucoup plus de temps à décrire le livreur et les Domino's Pizza que toute la scène précédente que je viens de décrire. Donc toute la scène de bisous, de contusion des plaies, de tout ça machin, c'est moins long que genre la hawaïenne. Et même d'ailleurs elle s'excuse. Il y a une hawaïenne. Ouais, c'est crois... des fils de pute. Je crois qu'en plus elle s'excuse d'avoir après relecture elle s'est rendue compte qu'il y a une des pizzas qui était de chez Pizza Hut et qu'elle était désolée de cette confusion. Bref. Pizza hawaïenne, impardonnable. Continue. Du coup, les choses sérieuses commencent un petit peu, tu vois. Genre, ça commence à se dire des mots d'amour, mais pas trop, parce que Ademo, c'est pas un gros PD, je le rappelle, d'après ces mots. Du coup, pour aucune raison, ils vont dans le 9-4, faire un petit crochet. Mais Ademo livre quand même ses sentiments et lui dit que genre il n'est jamais resté avec une meuf plus de 2 semaines et que genre peut-être qu'il va changer et tout blablabla. Mais bref, elle lui met une elle se prend une patate quand même parce que c'est comme ça. Oh, c'est tellement triste cette histoire. Non, c'est horrible, c'est continue, abusif, continue. C'est horrible. J'ai lu ça toute la nuit. J'espère que c'est bientôt terminé. Là. J'en peux plus d'entendre balayer tes patates, c'est terrible. J'ai l'impression d'être retourné au collège, quoi. Je skip à peu près 5 chapitres là, parce qu'il y a genre que des embrouilles de Tess et que c'est pas très intéressant. Mais en tout cas, genre, Mélissa, c'est plus sa pote parce qu'elle a dit qu'il y avait des fausses. Elle a donné plein de fausses réputes sur elle, etc. Enfin bref, c'est plus sa pote. On rappelle que la meuf, c'est une princesse hein, d'Égypte. Elle est prise dans des batailles de Tess. À un moment, Ademo, il va sonner chez elle à genre 2h du mat en mode gros forceur. Il dort chez elle, mais en mode no sex, tranquille, tu vois. Juste, elle dort sur ses pecs, et genre, elle est love et tout, mais au réveil, elle se mange une balayette quand même. Quoi ? Mais même physiquement, c'est compliqué à imaginer. Ils sont allongés dans un lit et elle. Non, mais c'est genre au réveil, tu vois. Genre, après, elle a dû lui dire, genre, un truc princier un peu, et il lui a dit, genre, vas-y, fais pas la mariole avec moi, boum, balayette, tu vois. Est-ce qu'il a dit le mot mariole ? Non, je pense pas. Oh, con, va. Donc, mais il lui avoue un peu ses sentiments et que elle, c'est différent, tu vois. Ils vont faire un concert à Paname et tout. Il dit devant tous ses potes du crew QLF qu'il sort bien avec la petite. Du coup, tout le monde est en mode genre, wow, je pensais pas que ça arriverait un jour, gros. T'avais un cœur de ice, elle t'a changé. Et dès qu'ils peuvent caler des « je mens quand je dis ça va » et d'autres références à PNL, ils y vont. Et à la fin du concert, Ademo, il va chez elle pour l'engueuler parce qu'elle était un peu trop sapée court au concert, tu vois, et que comme c'est sa meuf, faut qu'elle se tienne mieux. Et du coup, la meuf, elle lui tient tête. Et là, je vais citer. J'aime pas trop faire des citations... Mais là, je suis un peu obligé pour les fins de l'histoire. Et ça va, je sais pas, peut-être un peu amener plus le truc de la romance balayette. Je sais pas. Donc, elle lui reproche quelque chose. Enfin, elle lui tient tête. Et là, elle dit, dans sa tête, « J'ai même pas pu continuer ma phrase que je me suis pris une balayette laser. Ma joue a tapé le sol. Je suis limite sonné. Je comprends pas. » Bref, ça, c'est sa phrase. Attends. On est une princesse qui emploie le groupe nominal balayette laser. Ouais. Mais tu sais, la thèse, ça change. Hein. Ouais. Mais c'est marrant. J'arrive toujours pas à déterminer si... qui a pu écrire ça. Moi non plus, je sais toujours pas. Enfin, bref. Là, d'un coup, cette balayette a réveillé un truc en elle. Et genre... Donc les balayettes, c'est un ressort narratif en plus. Je sais pas, mec. Bref, c'était la dernière, c'était la balayette de trop, tu vois. Genre, ça y est, elle est trop turn on. Genre, trop bizarre. Mmh. Et bref, depuis le début, elle est genre vraiment en mode Gollum avec son hymen, genre... Pourquoi ? Qu'est-ce que... Il va falloir que t'expliques ça au moins en 5 minutes, là. Pas t'en tirer. Hein. Gollum avec son hymen. Ouais, non, mais elle est en mode genre mon précieux, je donnerai. D'accord. Ouais, non, comme ça. En mode genre ma virginité appartient à mon futur. Ah, parce que depuis le début, ils font genre des bisous, mais pas plus. Ouais, et genre à des mots dans son coin quand ça change de narrateur, vu que ça change de narrateur à peu près toutes les 4 secondes. J'ai dit qu'il y avait 113 personnages, il y a à peu près 113 narrateurs, hein, c'est le bordel. Et bref, et elle, genre, à des mots, il est en mode genre, putain, mais vas-y, quand je vais la ken et tout, je sais que c'est une meuf bien, je veux pas forcer les trucs, mais vas-y, il y a un moment, l'horloge interne, tu vois. Ok. Et bref, et du coup, genre, bah, elle s'est pris la balayette de trop, je crois, et elle est trop chaude d'un coup. Du coup, là, ils font du sexe, mais genre, il n'y a pas de description. C'est juste genre... Et il se retrouva au lit et elle se laissa emporter dans ses bras, etc. Donc je suis très désolé pour donc toi. Donc on va... Oh, mais c'est terrible ce que t'es en train de me faire. 37 minutes de build-up pour arriver à un moment où genre... C'est une histoire d'amour. Littéralement, ça décrit mieux les balayettes que l'acte sexuel qu'ils ont pris. Je sais, je veux même pas imaginer combien de pages pour en arriver là. L'acte sexuel... Il est expédié en deux putains de lignes alors que chaque balayette a eu le droit à genre une pierre à l'édifice. Attends, mais là il y a un avancement narratif qui est profond parce qu'elle lui dit qu'elle est princesse et du coup lui. Ah, il savait pas ? Non, il savait pas, personne ne sait. Elle est genre undercover, c'est genre boss undercover mais de princesse. Genre s'il y avait. Si Stéphane Bern il passe dans la cité, elle est morte, tu vois. Parce qu'il va la reconnaître tout de suite. Bref. Okay. Genre, à des mots, il entend que la meuf est princesse, tu vois, et, lui, et là, il dit dans son fort intérieur, genre, « Sur ma vie, je vais niquer des mères, c'est quoi encore ce conte de fées à la con, je suis pas un PD, moi, pour qu'on m'encule comme ça. » Enfin bref, genre, on lui dit que la meuf, elle est princesse, et genre, là, c'est on a, ça. On a une citation du livre, là. Ouais, c'est une citation du livre. Incroyable. Il est à 4h du, matin dans l'histoire, là, ils viennent de faire de l'amour pour la première fois. Donc il est débordé parce que... La meuf est une princesse. Et du coup... Il se fait... Ouais ? Il pense que le fait que ça soit une princesse, ça fait qu'il s'est fait baiser ? J'ai pas compris. Moi non plus, mec. Okay. je cherche pas, t'sais. Non, ça fait du sens. Et du coup, comme il sent un peu... tout ça, c'est dans la même soirée que le concert. Hein. Mmh. Et du coup, genre... comme il sent un peu eu par ce gros reveal, etc., il va rejoindre ses potes et ils font un barbecue à 5h du mat... À la cité, ils décrivent un peu le barbecue, oh, putain, etc. Le taux de cholestérol chez les mecs, ok. Voilà. Bah, les mecs sont balèzes, donc il faut des saucisses. Super t'sais. Balèze. Suite à ça, le lendemain, Janine, sa gouvernante, aka la meuf dans Friends, que j'ai oublié le nom, lui dit que, en fait, depuis le début, elle avait les vidéos de surveillance et que, genre, c'est très grave ce qu'elle a fait et qu'elle a mis toute sa famille en danger, etc. Et que c'est très grave, et on nous laisse sur ce cliffhanger. Ce site... Attends, je te laisse. Juste pour te préciser un truc, le site sur lequel j'ai lu, il y a des commentaires en fin de chaque chapitre. Et il y a un commentaire qui m'a particulièrement plu sur la partie de sexe. Il y a un mec qui dit « J'ai zappé la partie du haut parce que je fais le ramadan pour qu'en plus, à la fin, ils lui disent même pas « je t'aime ». Je sais pas qui tu es, mec, mais t'es grave mignon. Cœur sur toi. Donc, ellipse, genre un mois plus tard, pour aucune raison. Là, ils sont au restaurant du deuxième étage de la Tour Eiffel. Et en fait, il lui dit qu'il la quitte parce que c'est qu'une pute et que genre lui il a un cœur de ice et tout ça tout ça, mais en fait on comprend parce que il se parle à lui-même à des moments entre parenthèses que il fait ça pour la protéger parce que la meuf c'est trop une fille bien et que elle va souffrir si elle reste avec lui. Du coup, pour marquer le coup, Ademo il couche avec Mélissa, sa pote du début, à la meuf. Et genre, qu'il intraballe partout, etc. Et à un moment, du coup, la princesse, elle pète un câble et elle lui dit genre « Vas-y, c'est quoi ce délire et tout, machin ?» Elle lui envoie des totex et tout. Et du coup, le mec, il réplique chez elle. Et là, elle lui met une autre balayette. et elle se fracasse la gueule. J'en ai marre de toutes ces balayettes. Moi aussi, mec. Et du coup, elle tombe dans les pommes. Là, c'est grave, tu vois. Et elle se réveille 48 heures plus tard à l'hôpital, entourée de ses gardes du corps, qui sont là, pour une fois. Ah bah putain, enfin, quoi. Et qui disent, genre, vas-y, qu'est-ce qui t'est arrivé et tout, on a breakthrough chez toi. Et alors qu'ils ont les vidéos de surveillance, ils lui disent, genre, on a breakthrough chez toi, c'était quoi les bails et tout. Et elle dit, rien, je suis tombée dans l'escalier et tout. Et du coup, ils disent, ah, tes parents se sont fait un sang d'encre, mais si c'est que ça, ça va, on retourne à la maison, alors. Et du coup, elle retourne vivre au Tarteret. Et après, elle se met avec un autre mec qui fait des go-fast alors qu'elle est là. Quoi ? Du coup, elle se retrouve à Fleury-Méringis. Méringis, respect. Pardon. Respect. Et elle s'en sort avec l'immunité diplomatique. Du coup, elle va se marier avec la prince et c'est fini. La fin est dure à digérer. Ouais, non, c'était pénible. C'était pénible. Donc, l'impression avec laquelle je sors de tout ça, c'est que tu t'es lancé dans un truc qui t'a dépassé, mais tu savais pas que ça allait te dépasser. Bah, tu pouvais pas le savoir, parce qu'au début, en fait, je me suis fait avoir. Mais clairement, clairement, tu t'es fait niquer. Parce que je croyais qu'il y avait que 10 chapitres, et du coup, je me suis dit, bon, ils sont un peu longs, mais ça va. Mais en fait, il y avait 30 chapitres. Et tu pouvais le savoir qu'une fois que t'avais arrivé au 10 premiers, à la fin du 10e chapitre, il te disait genre, il faut lire la suite, etc. Et comme il n'y avait pas encore eu de moments croustillantes pour Rafi, tu vois, je me suis dit, putain, faut que je continue et tout. Et je me suis fait avoir parce que le dernier chapitre, il y a un plus 18 barré, etc., machin et tout. Donc je me suis dit, vas-y, là, on rentre dans le vif du sujet. Donc j'ai lu jusqu'à la fin. Mais en fait, c'est juste que genre, il y a un moment où genre, il y a une tape avec des mineurs et que du coup, genre, il y a la brigade des mineurs. C'est ça que ça voulait dire, plus 18. Non, je me suis senti. Non. Trop ken par ça. J'ai lu tout jusqu'au bout. Je lis hyper lentement. Du coup, ça devait faire 200 pages, un truc comme ça. J'ai pris 4 à 5 heures cette nuit à lire ça. Et voilà quoi. Et encore, vraiment, là, j'ai. Tout ce que je vous ai raconté, c'est à peu près jusqu'au chapitre 18. Et toute cette histoire de Go Fast. Où à un moment elle est avec son nouveau. C'est genre un tiers du bouquin. Ouais, c'est un tiers du bouquin. Elle se met avec un nouveau cum. Que et je sais lui, pas qui... c'est pas un rappeur connu. Je sais pas qui c'est dans le lore de PNL, je sais qu'ils se connaissent, etc. Et je sais pas s'il est connu en dehors de ça. Il s'appelle Naha dans le truc. Il y a une chanson de PNL. Une chanson qui s'appelle Naha, ouais. Et je sais pas si ça fait appel à lui ou quoi que ce soit. Mais enfin bref, lui, il les connaît, mais genre Vitzef, tu vois. Genre qu'ils veulent se taper avec Ademo et tout. Et à un moment, genre, à leur premier date... Il vient la chercher en bas de chez elle en mode genre « Vas-y, descends de chez toi et tout. » Elle est en mode genre « Ouais, mais il est 1h du matin et tout, je suis fatigué. » Et il lui dit « Non, mais vas-y, j'ai une surprise et tout. » Et en fait, ils vont... ils conduisent tout le 9-4, une partie du 7-7 pour aller voir un drive-in à 2h30 du mat dans le 7-7. Donc, bonne chance pour le trouver, le drive-in ouvert à 2h du mat dans le 7-7. Sans mieux la surprise. mais il y a ça. Et donc, après, il va à Fleury, il tombe, et elle s'en veut trop parce qu'elle se dit que c'est de sa faute. Je sais pas pourquoi, et elle se marie avec donc, le prince du Qatar. Alors, pour récapituler un peu le truc, ça commence par la meuf est en Égypte. Alors, bon, ça n'existe pas hein, à l'heure actuelle, mais on est en 2015. La meuf est une princesse en Égypte qui a son importance. Son père, c'est The Rock, c'est une espèce de pharaon des temps modernes, si j'ai bien compris le... Mm-hmm. Voilà. Et elle finit au Tarteret, à moitié amoureuse d'un mec qui fait des go-fast et qui finit en prison. Ouais, c'est ça. Et après, elle rentre en Égypte pour se marier avec le prince du Qatar, propriétaire donc elle finit par rentrer en Égypte. Oui, okay. Ça, je l'ai dit. Donc, donc quand même, l'écrivain ou l'écrivaine, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit... a un semblant d'âme et a bouclé une boucle. Parce qu'il y a quand même énormément de... Il y a beaucoup d'excuses pour commencer l'histoire, mais je vois pas beaucoup de pay-off, je vois pas beaucoup de récompenses pour le lecteur dans tout ça. Si tu me dis que ça se finit en Égypte, c'est qu'au final, il y avait une certaine compréhension de comment on crée une histoire. Donc ça, c'est déjà un bon point. Non, parce que je t'ai pas tout dit. Oh non, j'aime pas ce genre de surprise. Sur le profil de la meuf, c'est marqué qu'elle est toujours en écriture et qu'il y a un épisode par semaine. Donc la semaine prochaine, m'est avis qu'en fait, elle va pas se marier avec Nicer El Khelaifi, mais qu'elle va retourner au Tartary. Excuse-moi, tu n'as pas lu une fanfiction, tu as lu une série. Une série qui n'est pas terminée. Non, c'est Madame Bovary en termes de... Là, t'es coincé. Là, non, mais... Parce que dans, genre, dans quelques épisodes, je vais te demander où ils en sont, tu vois. Et tu vas être niqué, mon gars. Je sais. Parce que là, ça a été mis il y a 6 jours, le dernier épisode. Et elle dit la suite la semaine prochaine. Donc j'imagine que aujourd'hui ou demain, on a des mises à jour sur la princesse au Tartary. Voilà, avant de se quitter, tu veux quelques petites citations, j'imagine ? Je serais pas contre. Remets-les-moi en compte. Tu m'as quand même sorti une sacrée broussaille d'histoire, un truc dense, difficile à avaler. Mm-hmm. Je veux bien revoir un poil de contexte pour les citations. Donc, je vais commencer par une dont le contexte est facile à se rappeler. Quand elle emménage au Tartaret dans sa villa, elle va faire des courses, elle crève, et il y a Nos qui arrive chez elle pour porter ses courses. Mm-hmm. Ok. Et là, elle décrit sa voiture en disant « Je suis totalement désespéré. » Emoji qui pleure, parce qu'il y a des emojis tout le long. Yes. C'est écrit avec des emojis. Ouais. T'aurais dû le dire dès le début, c'est incroyable. Mais je laisse les reveals à la fin, tu sais. On va vendre des épisodes avec ça. « Je suis complètement désespéré. » Emoji qui pleure. « Dans la rue, ma voiture est en mode dab, penchée sur le côté, le pneu arrière complètement à plat. » Je pense que grâce à cette citation, je viens de déterminer que l'auteur est en fait une meuf du 16e qui n'a jamais foutu les pieds en dehors de sa saloperie d'arrondissement. Je peux te donner peut-être un indice qui t'amène vers ça, parce que, autre citation, c'est la princesse qui, à son arrivée au Tartaret, a un petit warning de la part de Mélissa quant à sa quête d'aller acquérir des kebabs. Et elle lui dit, et elle dit, donc je cite, Mélissa m'explique que c'est un elle parle d'un mec en précis elle parle d'un mec précisément que j'ai oublié qui, et elle lui dit Mélissa m'explique que c'est un grand du quartier accro à la fumette qui rappe avec son frère et que c'est un mauvais garçon, coureur de jupons à sa façon. Putain, il y a des rimes en plus. Et alors là, déviergeur à temps complet. Oh mon dieu, ok. Il ne vaut pas mieux croiser leur chemin. Oh, c'est dégueulasse. Je veux les autres. T'en as d'autres. Il y en a d'autres. Il y a un moment, donc. Je t'avais prévenu que tous les persos avaient des prénoms qui commençaient par A. Donc il y a un mec qui s'appelle Amen. Amen peut-être, je sais pas, il y a un Y. Et genre, il dit, c'est une autre citation. À un moment, ils sont en train de se chamailler tous. Et il dit, PTDR. Il y a v'là les R. Donc, petit PTDR. Smile. Voilà. Pourquoi vous les Renois, quand vous n'avez pas la solution au problème, vous reportez toujours tout à la sorcellerie. Entre parenthèses, lol, la team Congo. Donc c'était hyper malsain, quoi. Donc, est-ce qu'on sait que c'est une meuf qui a écrit ça? Ouais, il y a des indices qui me l'ont donné. Je suis persuadé que c'est genre une meuf de quartier un peu genre cossu. Qui est sorti avec un Congolais pendant genre une semaine et qui s'en remet trop pas et qui a besoin d'inclure ça dans tout ce qu'elle fait. Je veux pas lui mettre du sale parce que voilà, elle est jeune. Elle a écrit tout ça. Il y a beaucoup d'écriture, je vois beaucoup de fautes. Il y a beaucoup de fautes et tout, mais il y a du taf de ouf, tu vois. Et bref, une autre citation, à un moment plus tardif qu'on n'a pas trop évoqué parce que c'est trop long, mais elle est chez elle et c'est un peu genre devenue la reine de la thèse et genre tout le monde va chez elle parce que bien sûr elle a une maison de ouf. Et elle dit, J'ai signé un contrat avec Xbox et PlayStation en partenariat, petit smiley qui rigole, afin de pouvoir tester chaque jeu vidéo avant même la sortie des jeux en cours de construction. Donc ça, c'est la phrase. Point. Construction, ok. Comme ça, j'ai des revenus qui rentrent un peu plus. Bien évidemment, à la fin de la maquette, j'ai des rapports à faire. Donc la meuf a argent illimité, hein, grosso modo. Et genre, elle prend un petit taf chez PlayStation et Sony en même temps. Xbox et PlayStation pour tester des jeux pas encore finis. Elle a des rapports à faire. Une dernière citation pour finir. C'est fascinant, continue. Je crois que c'est le moment où il y met la balayette laser où elle tombe dans les pommes. On s'en souviendra. Donc, hashtag balayette laser sur Twitter. Non mais tiens, tu sais quoi, j'ai envie que tu la lises. Parce que je pense que tu comprends pas assez la sève. C'est la longue partie. L'énorme, là. J'ai fait une petite introduction qui te permet de contextualiser. je vais tout vous faire à l'introduction aussi. Ademo va chez elle en mode « je vais m'excuse / discuter ». Et là, elle lui dit de rentrer chez sa rhum. Deux points. « Ma colère monte en moi. Je vais l'enterrer vivante ce soir. » Point d'exclamation. Trêve de plaisanterie, point d'exclamation. Je lui mets une balayette, elle tombe par terre et essaye de se défendre, mais elle sait très bien que c'est perdu d'avance. Point. Elle se réceptionne sur son bras gauche, son bras claque sur le sol et je l'attrape par les cheveux et cogne violemment sa tête contre le mur. Point. Elle tombe direct par terre sur le sol, elle bouge plus. Trois petits points. Elle bouge plus, point d'exclamation. C'est formidable. Donc en fait, il lui avait pas que mis une balayette laser. Tu tapais combien de pages de cette prose de merde, là ? Je pense qu'en vrai, si c'était un livre dans le commerce, ça ferait 200-250 pages. Oh, facile. Putain, le mec a des grosses coronesses, quoi. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Et c'est déjà beaucoup trop. C'est très difficile de faire une conclusion cohérente sur une histoire pareille. Je pense que... On applaudit le courage du lecteur. Et de l'auteur aussi. Hein. Non, mais il doit falloir à peu près autant de courage pour lire ça que pour l'écrire, je pense. Mais c'est surtout que, genre, au début, j'étais trop saucé. Parce que le premier épisode sur Clippy mettait beaucoup de trucs de surréalisme, etc. Et du coup, je me suis dit, comment je vais réussir à retomber sur mes pattes avec un truc comme ça? J'avais vu ce délire de princesse, son daron, c'était The Rock. Qu'il y a des trucs improbables au début, donc je me suis dit, genre, ça va partir en jet privé, la guerre des étoiles, et genre, Ademo, il va être roi d'Égypte, tu vois, genre, j'avais trop d'espoir, et tout ça pour juste me prendre des balayettes laser sur balayettes laser, j'avais plus de pêche à la fin. Donc, bref, c'est à peu près tout. Je vous mettrai le lien, comme toujours, dans la description si ça vous intéresse pour jeter un œil. Encore une fois, essayez d'être bienveillant avec l'auteur, parce que même si on n'a pas été très bienveillant, voilà, je me dis respect que... Respect quand même. Voilà. Vraiment. C'est important. Sincèrement. Sincèrement, toi qui as écrit ça, respect d'avoir fait ce travail. Cela dit, tu peux pas nous en vouloir, nous, personne extérieure à ton univers, de rentrer dans cet univers. Et voilà, il y a un petit effet de... Je sais plus comment on appelle ça quand tu rentres dans de l'eau très froide, très vite. Hydrocution, il y a une sorte d'hydrocution qui se fait. Mais c'est pas pour autant qu'on respecte pas l'effort que t'as fait. Bravo. Voilà. Donc, je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Je vous remercie pour les petits cœurs que vous avez mis sur SoundCloud. Ça fait un gros plaisir. Et je te laisse finir. Un gros plaisir. Je te laisse finir, Rafi. Eh bien, écoutez, la barre est élevée une fois de plus. J'espère que pour l'épisode 3... Alors, je sais ce que j'ai en tête. Ça reste entre moi et moi. Voilà. Et j'espère que c'est une idée qui satisfera tout le monde, que mon explication satisfera tout le monde. Je vais essayer de trouver un truc qui fait pas 200 pages. Parce que clairement, il y aura un problème. On a compris nos erreurs. On apprend encore, tranquille. Et voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode si vous êtes arrivés jusqu'ici. Sinon, merci quand même. Mais vous le savez pas, c'est entre moi et votre fantôme. Bouh, c'était Halloween. C'était Halloween. J'ai même pas fait exprès. Mais voilà, c'est plus fort que moi. À bientôt. À très bientôt. Terminus, nous vous invitons à descendre.